Vous voulez vous payer une bonne bouffe et vous avez peu de temps à votre disposition? Le restaurant Midas est l'endroit idéal pour vous, avec la pizza et l'excellent poulet frit qui font le délice de tous et qui est offert dans un délai rapide avec le sourire. Le restaurant Midas, 1084 route 169 Saint-Félicien, 418-679-0900. Visitez notre page Facebook pour vous informer de nos différentes promotions. Le propriétaire Danny Potvin et toute son équipe souhaitent la meilleure des chances à Marianne Saint-Gelais et Cassandra Bradette pour les Jeux de Pyeongchang. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien aimerait souhaiter à Marianne Saint-Gelais et Cassandra Bradette de Saint-Félicien la meilleure des chances pour les Jeux de Pyeongchang. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien est un employeur important dans le comté puisqu'il possède des chargeurs de bois. Les bureaux de la coopérative de camionnage de Saint-Félicien, situés au 905 Boulevard Amel, numéro de téléphone 418-679-41. C'est le commentaire de Madame notre ami Phil Desgagnés. Salut Phil. Phil, as-tu pris connaissance du sondage de Radio X sur le nouvel amphithéâtre à Ville-Saint-Denis? J'ai pas pris, je l'ai vu, mais là, est-ce que les résultats, c'est à un certain moment, c'était 80-20? 79% finalement. Ouais. Fait que. Pas surpris. Moi, je suis surpris parce que quand il est question du sport, c'est toujours négatif. Ben, écoutez, je pense que la population est quand même en mesure de se rendre compte que l'amphithéâtre qui est en place est vraiment désuet, il mérite vraiment une cure de rajeunissement, mais est-ce qu'on va mettre une cure de rajeunissement des millions de dollars sur un édifice qui a déjà 70 ben, ans ouais. plus? Et j'ai l'impression que c'est l'ouverture également du premier ministre, M. Couillard, qui a fait également ouais. parler les gens. Ils ont dit, écoutez, le premier ministre, il est prêt à nous offrir ça, c'est pas tous les jours qu'on a un premier ministre dans notre région. Il est en place, il est prêt à procéder, donc je pense que ça a joué un rôle important, la façon que le premier ministre a présenté ça. Maintenant, il reste au conseil de ville à prendre les décisions finales. Écoute, on les a élus pour ça, pour prendre des décisions, donc moi, personnellement, je pense qu'on est rendu là, puis on devrait prendre des décisions. Je pense que la manière que, sans nécessairement lui mettre des paroles dans la bouche, Mme Néron semblait favorable, parce qu'elle a dit, écoutez, si on a un édifice neuf, on va débâtir le centre Vézina, donc dans sa tête à elle, a dit elle penche vers un édifice neuf. Donc, j'ai hâte de voir. Parce que là, il faut prendre une décision rapide. Là, ben oui, 31 mars. Et j'ai l'impression que ça avance, ce dossier-là. Oui, effectivement. Puis tant mieux. Je pense que la semaine passée, ça l'a aidé pas mal. Là. Il y a du monde qui ont dit que c'était organisé, voyons donc. J'ai parlé au patinage de vitesse, c'est un désastre pour eux autres. C'est une catastrophe. Ah non, c'est un désastre pour tout le monde. Ben oui, écoute. Je pense qu'on est rendu là. Les gens qui ont pris la décision de le fermer ne doivent pas avoir pris ça inutilement. Et ont sûrement basé sur des choses importantes avant de prendre une telle décision. Là, maintenant, écoute, parce que là, on a investi au Palais des Sports, on dépense de l'argent là-bas. Ça coûte de l'argent à la ville faire ces gestes-là. On dépense pas juste pour le plaisir de dépenser. Là. Et moi, la bonne nouvelle également de ce côté-là, c'est l'ouverture du premier ministre, mais c'est également qu'il a déclaré on va maintenant aider également la ville à solidifier le centre Vézina pour permettre aux utilisateurs, je parle de patinage courte piste, je parle des Saguenayens, d'utiliser le centre Vézina pour le temps qu'on va bâtir une amphithéâtre. Parce qu'on, oui, on peut prendre la décision de bâtir un nouvel amphithéâtre, mais on ne l'aura pas demain matin. Là. Mm. Moi, je pense que c'est une affaire de 2 ans et demi minimum. Donc, à ce moment-là, écoute, tout est en place pour avoir un édifice neuf puis y aller de l'avant. Mais maintenant, c'est pas à moi à décider, Danny. À nos élus qu'on a élus dernièrement. Hey Phil, le Canadien gagnerait-tu contre l'équipe olympique canadienne? Oui, il gagnerait sûrement parce qu'il y a plus de talent. C'est des joueurs de 31 ans et plus. C'est tous des joueurs qui ne sont pas de calibre pour la Ligue nationale de façon régulière où ils joueraient sur un quatrième trio. Ces gens-là ont décidé de la majorité de s'expatrier en Europe. Ouais. Mais, écoute, je pense que cette équipe-là m'a impressionné contre la Suisse pour une raison également. C'est tous des joueurs qui ont quelque chose à prouver, à démontrer qu'ils ne sont pas des joueurs en fin de carrière, c'est des joueurs qui méritent de l'attention. Et aux Olympiques, ils l'ont l'attention maintenant. C'est le public qui les regarde aller. Et moi, personnellement, je trouve ça intéressant que cette équipe-là performe bien. Maintenant, est-ce qu'elle gagnera maintenant l'une des trois médailles? Moi, je pense que les chances sont là, mais on garantit pas la médaille d'or. C'est sûr que ça n'a pas l'intensité d'un match où on aurait vu les meilleurs Russes de la Ligue nationale contre les meilleurs Canadiens ou contre les meilleurs Finlandais ou les meilleurs Suédois. On est tous d'accord avec ça. Mais la Ligue nationale de hockey a des choses également à regarder. Les calendriers, les activités, les séries éliminatoires, les contrats, les risques de blessures. Donc, est-ce qu'on peut nécessairement blâmer? Et le décalage horaire également était un élément important. Est-ce qu'on a à blâmer maintenant la Ligue nationale de hockey? Moi, je pense que non. Il faut passer à d'autres étapes. Et moi, ce que j'aime, honnêtement, c'est qu'on laisse la place à tous nos athlètes amateurs qui, à tous les 2 ans ou 4 ans, ça dépend de quel sport que t'es, ont au moins le front page et ont la visibilité qu'ils méritent. Mmh. Si les joueurs de la Ligue nationale étaient là, et j'ai parlé à des athlètes qui étaient, quand les athlètes professionnels, les joueurs de hockey, tout le monde voulait manger à la même table que Sidney Crosby, puis que les Patrick Roy, puis que les Martin Brodeur, ils voulaient tous être à la même table que ces gens-là, parce que c'était des mégastars. Mais maintenant, on n'a pas ça. Les mégastars, c'est qui? C'est les athlètes olympiques, c'est les athlètes qui, normalement, courent devant... les joueurs de curling jouent devant en Europe devant des 1000 personnes ou 2000 personnes. Au Canada, c'est peut-être un peu populaire, mais là-bas, on joue devant des salles comptes. Même chose pour les patineurs. Donc, moi, chapeau. Ça m'impressionne. Je suis content pour ces athlètes-là. C'est eux qui ont le plancher, puis ils méritent de l'avoir. Je regarde, je reviens sur l'équipe olympique canadienne. Tu sais, un gars comme René Bourque qu'on a vu hier, René Bourque, on le connaît très bien, là, il joue pour le Canadien. Ça n'a jamais été une question de talent, c'était une question d'intensité dans la carrière de René Bourque, parce qu'il y a tout, il y a tous les attributs, écoutez, le physique, tout. Mais encore là, où c'est vrai, Maxime Lapierre, lui, souvent, mauvaise équipe au mauvais moment. Il y a des situations comme ça qui arrivent. Noro, là, moi, c'est un gars qui évolue en Europe depuis des années, qui est une grande vedette là-bas, qui a bien gagné sa vie depuis plusieurs années là-bas, et c'est loin d'être un mauvais défenseur, mais la Ligue nationale de hockey a des standards. C'est pas le gars de pied 4 qui frappe tout le monde, qui bouge. C'est un gars qui manœuvre bien la rondelle, mais ça tend à changer cette philosophie des joueurs de hockey. Mais je regarde du côté féminin, je ne sais pas si tu as regardé le hockey féminin, je trouve que les filles, de plus en plus, ont un physique imposant. Ah, puis ça se développe, là. Les Canadiennes, on voit des filles plus grandes, des filles plus costaudes, des filles qui prennent plus de place devant le filet. Ça, c'est le nouveau hockey féminin. Donc, on s'ajuste également du côté de certains joueurs qui évoluent pour l'équipe canadienne actuellement. C'est des joueurs qui, effectivement, étaient à la mauvaise chaise, au mauvais moment, à une mauvaise équipe, mais qui ont un certain talent. Écoute, je pense qu'il y en a, sur les 25 ou 27 qui sont là, il y en a 22 ou 23 qui ont joué au moins une cinquantaine de parties dans la Ligue nationale de hockey, donc c'est sûrement pas des mauvais joueurs. Non, plus, mais l'équipe, j'en viens sur le hockey féminin, Phil, je pense qu'on est à une Olympiade. On t'a eu une Olympiade d'avoir vraiment développé, parce que Martin Leclerc disait que la Finlande se développe un train d'enfer, le hockey féminin, c'est la même chose en Suède. Par contre, c'est le membership qui fait défaut, là. C'est une question de profondeur. Mais on est à, je pense que, avant, il y avait un Canada États-Unis, mais je pense qu'aux prochaines Olympiades en Chine, ça va être encore plus relevé, là. Il a parfaitement raison, Martin Leclerc, là-dedans. Ouais. C'est un peu comme, je regarde un peu, au niveau du curling, où les Canadiennes déçoivent, là. Mais au départ, j'écoutais Gaming, c'est quand même une notoriété, qui disait, du côté féminin, international, à travers le monde, il y a une parité. Donc, il dit, l'équipe canadienne n'est pas toute seule. Il y a beaucoup d'équipes. Et la preuve de ça, c'est quand tu regardes les grands slams, qu'on appelle les grands tournois à travers le Canada et les États-Unis, là, il y a beaucoup d'équipes européennes qui viennent jouer. Et là, je parle des Coréennes, je parle des Chinois, je parle des Japonaises, je parle des Russes, qui régulièrement... viennent. Et la majorité de ces équipes-là, leur instructeur-chef est qui? Un Canadien. Oui, parce c'est vrai. Que c'est nous qui avons la stratégie, c'est nous au Canada qui a, pas inventé, mais qui a manœuvré au niveau du curling pour augmenter la qualité des curlers. On le voit. Du côté des hommes, c'est un peu plus compliqué, mais ce matin encore, je regardais le match contre la Corée, contre le Canada, malgré qu'ils ont 0-4, ça s'est terminé 7-6. Ils n'ont jamais été déclassés. On a toujours attendu à la dernière pierre du 10e bout pour se faire sortir. Donc, ça prouve que ces pays-là également, sur la courte piste, rappelle-toi, les premières années, tu ne voyais pas de Coréens, tu ne voyais pas de Chinois. Là, maintenant, là, tu les vois tous. C'est un peu ça là, qu'on voit. Là. Donc, moi, personnellement, je pense qu'il y a certains sports qui font que dans les pays asiatiques, surtout, on est quand même en train de progresser. Puis le sport vient mondial. Le golf, exemple, il y a plusieurs années, tu regardais le tournoi de golf professionnel, tu voyais qui? Les Américains à 95%. Ouais. C'est plus vrai maintenant. Non. C'est 60% des Américains, 40% le reste du monde. Pourquoi? Parce que les autres pays ont développé des athlètes, ont développé des systèmes. Puis le hockey féminin, l'exemple que tu donnes, effectivement, les Finlandais sont meilleurs, Les Russes sont meilleurs. Là, avant, on n'aurait jamais pensé voir des Coréens jouer au hockey ou des Japonaises. Et on en voit maintenant. Donc, c'est la bonne nouvelle de ce côté-là. Effectivement. Phil, un gros merci. On se reparle vendredi prochain. Le commentateur de Phil est gagné.